crois plus. On sait que j'ai le coup de raquette, un gun dans ma jaquette. Et merde, toujours pas de caviar dans ma barquette. Le rap donne plus de cash, c'est dur comme en Bosnie. J'ai le son qui tue, mais pas l'assassin de Ousni. Alors brush tes propres pieds, j'ai de l'argent sale. Dans le 93, c'est rempli d'agents sales. C'est le bis gros, à Aubert on le maîtrise trop. T'inquiète, les mâchoires solides, on en brise trop. On veut des liasses propres, celles des fourgons de banque ou celles du bis. Et si tu me baisses, là c'est sûr on te plante. Mais moi écoute, c'est le rap que je veux niquer. Je veux qu'on le sache bien dans ce putain de communiqué. C'est ton chalap pareil. Allo allo, on m'écoute. Allo allo, tu m'entends pas, normal, je suis à Beyrouth. À Épinay sous Sénart, j'ai un gars à chaque pilier. J'ai une planque dans le vin et un bunker à Aubervilliers. On peut pas me raconter ici que le rap est gangster. Les MC ici n'ont jamais touché de lance-frère. Le rap c'est bling bling, la rue c'est bang bang. Quand j'arriverai, t'inquiète, t'entendras bang bang. On peut pas me raconter ici que le rap est gangster. Les MC ici n'ont jamais touché de lance-frère. Le rap c'est bling bling, la rue c'est bang bang. Quand j'arriverai, t'inquiète, t'entendras bang bang. C'est dolce gros, incrusté comme une tache d'huile. Mon gars en taux les claustro, faut qu'on sorte pas d'huile. J'tourne pas les pages moi, j'viens fermer les romans. Désolé, j'ai pas su faire le single du moment. Hey, bande de PD, j'suis là alors stopper les biches. J'viens choquer le bis, c'est la guerre alors stocker les vivres. J'viens pour tuer, c'est inscrit dans mon agenda. J'ai une rage de faux, fais cela depuis le placenta. Dans mon gang, yeah, la haine s'est rajoutée. On vient de cette plage où les oiseaux sont mazoutés. Là où je vis, y'a plus de pétales, encore moins de pédales. J'ai ouvert un bidon, alors tire-toi si le fuel s'étale. Omega du 9-3, bang bang. Pour Masta Air, Pat Will, bang bang. Pour Street Fabulous, gros, bling bling. D-O-N, D-C-H-A. On vient de pas me raconter ici que le rap est gangster. Les MC ici n'ont jamais touché de lance-frère. Le rap c'est bling bling, la rue c'est bang bang. Quand j'arriverai, t'inquiète, t'entendras bang. On vient de pas me raconter ici que le rap est gangster. Les MC ici n'ont jamais touché de lance-frère. Le rap c'est bling bling, la rue c'est bang bang. Quand j'arriverai, t'inquiète, t'entendras bang bang. Eh, t'as vu, le rap revient sauvage. Si t'en cures d'anabo, faudra doubler le dosage. C'est le retour du Babtou, aussi celui de mes nègres. Regarde dans le ciel, j'arrive avec une armée d'aigles. Avec mes soldats, mes sergents, mes capitaines, yeah. Marquer le terrain de Paris en Aquitaine. Et si je m'en sors pas vivant de tout ce bordel, même si pieds sous terre, D.O.N. reste immortel. Alors je veux que tu saches, hey. Si tu veux ma mort, j'dors un œil ouvert avec une hache et un gun à bord. Si tu veux me pister, dans le trou j'avance. Regarde au sol, je laisse des traces de mes lourdes balances. Si les Français veulent pas de mes chansons, je kidnappe tragédie et demande une putain de rançon. C'est le D.O.N. Papy Denja sur le microphone. Toujours dans le réseau, demande si t'as pu ton fun. On vient pas me raconter ici que le rap est gangster. Les MC ici n'ont jamais touché de lance-frère. Le rap c'est bling bling, la rue c'est bang bang. Quand j'arriverai, t'inquiète, t'entendras bang bang. On vient pas me raconter ici que le rap est gangster. Les MC ici n'ont jamais touché de lance-frère. Le rap c'est bling bling, la rue c'est bang bang. Quand j'arriverai, t'inquiète, t'entendras bang bang. Quoi neuf donne. Le rap c'est bling bling bling. La rue c'est bang bang. Moi j'arrête, t'inquiète.